France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 2015, le nom et pour une part la musique d'Arvo Pärt sont à présent beaucoup plus connus du grand public qu'ils ne l'étaient en 1987 quand Daniel Coe consacrait une émission au compositeur estonien. C'était à l'occasion, quelques mois plus tôt, d'un concert qui, pour la première fois en France, proposait des œuvres d'Arvo Pärt. Ce gain de notoriété doit sans doute beaucoup aux nombreux films dans la bande-son desquels on a entendu depuis la musique de celui qui est peut-être aujourd'hui, à 80 ans, le compositeur contemporain le plus joué dans le monde. De sa musique, Arvo Pärt dit ceci. « Je travaille avec très peu d'éléments, une ou deux voix seulement. Je construis à partir d'un matériau primitif, avec l'accord parfait, avec une tonalité spécifique. » Les trois notes d'un accord parfait sont comme des cloches. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette musique « tintinabuli ». La tintinabulation est un espace où j'erre parfois quand je cherche des réponses, dans ma vie, dans ma musique, dans mon travail. Le 17 novembre 1986, à Paris, au Théâtre de la Ville, a eu lieu le premier concert en France consacré à la musique du compositeur Arvo Pärt. D'origine estonienne, Arvo Pärt a quitté l'Union soviétique en 1980. Il s'est d'abord fixé à Vienne, où il a pris la nationalité autrichienne, et il vit actuellement à Berlin-Ouest. Ce premier concert en France a été donné par les 28 instrumentistes de l'orchestre Music Projects de Londres, sous la direction de Richard Bernas. Au programme, Si Bach élevait des abeilles, Fratres pour orchestre à cordes, Festina Lente, une création mondiale, Cantus à la mémoire de Benjamin Britten, quatre œuvres que nous écouterons ce soir, et une cinquième, d'une durée plus longue, que nous allons évoquer, mais qui sera donnée à entendre dans son intégralité dans deux jours, le samedi 28 février à 20h. Catholique orthodoxe, Arvo Pärt compose une musique d'une inspiration profondément mystique, d'une grande économie de moyens formels. Le critique allemand Wolfgang Sandner parle d'une musique qui aurait pu être écrite il y a 250 ans et qui pourtant ne pouvait être écrite qu'aujourd'hui. À la fois Vivaldi et Erik Satie, en une musique pauvre impressionnante qui s'est débarrassée de tous ses ancrages culturels. Une musique qui, juste au moment de s'évanouir, éclate en fleurs somptueuses. Arvo Pärt a une cinquantaine d'années, c'est un être sensible, d'une grande humilité, qui accepte difficilement les interviews et qui s'exprime le plus souvent par métaphore. Ich weiß nicht, wie, welche Beziehung hat es zu meiner Musik. Aber wir wissen ja, dass weißes Licht enthält alle Farben. Nur wir sehen das nicht. Das ist nur, wenn wir ein Prisma nehmen, dann veröffnen sich diese anderen Farben. Und diese Prisma soll eigentlich unsere Seele, unser Herz sein. Das ist der Zuhörer, der hört. Ein Mensch sieht verschiedene Farben, andere sieht das nicht. Je ne sais pas quelle relation ça peut avoir et comment vous allez l'interpréter en relation avec ma musique, mais par exemple, la lumière blanche contient toutes les couleurs. Nous ne les remarquons pas. Il n'y a que le prisme qui peut les décomposer et les faire apparaître. Ce prisme, ça doit être l'âme du spectateur. Ich denke, dass der heilige Mensch kann auch seine Feinde lieben. Un homme sacré ou un homme saint peut aimer ses ennemis également. Deswegen kann ich das verstehen, dass Leute auch meine Musik lieben, manche. C'est pourquoi je comprends que des gens peuvent aimer ma musique. C'était une réponse d'Arvo Pärt à la question « Dans quelle disposition d'esprit doit-on se mettre pour entrer dans sa musique ?» Au cours des années 70, après différentes expériences de musique dite contemporaine, musique sérielle et collages musicaux, il s'est arrêté de composer pendant plusieurs années et s'est consacré à l'étude des débuts de la polyphonie européenne, en particulier à la musique chorale française et franco-flamande, dont les heures d'épanouissement remontent au XIVe, XVe et XVIe siècle. Un arrêt de plusieurs années, car vos pères te considèrent comme un silence créatif. Un ratschlag. Ein Redewendung. Ja? In der Stadt, wo du gesündigt hast, verlasse die Stadt, wo du gesündigt hast. Verstehen Sie? Wo du gesündigt hast. Gesündigt hast. Надо убежать из города, где ты грешил. Il y a une sentence qui dit qu'il faut se retirer de la ville où tu as péché. Retire-toi de la ville où tu as péché. Donc, чтобы иногда нужно выключить эту адскую машину, которая во всех нас сидит. Sometimes. Manchmal müssen wir ausschalten, diese Hölle-Maschine, was in uns allen sitzt. Des fois, sommes-nous obligés d'arrêter cette machine infernale qui est à l'intérieur de chacun de nous pour pouvoir continuer? Wenn wir auch unsere Türe zumachen, dann kommt diese Verrücktheit von Fenster. Zu uns. Das ist Tragödie unserer Zeit. Quand on ferme les portes, à ce moment-là, la folie vient par les fenêtres. C'est la tragédie de nos temps. Arvo Pärt est né en Estonie, à Paide. C'est dans la capitale de l'Estonie, Tallinn, qu'après avoir fait ses études musicales au conservatoire, il a écrit ses premières partitions d'orchestre. En 1962, il obtient un premier prix de composition à Moscou, inaugurant une alternance d'honneurs officiels et de censure, ces dernières provoquées par le caractère mystique des thèmes de ses œuvres. Le violoniste Gidon Kremer le fait connaître en Europe de l'Ouest. 1978, Mirror in a Mirror par Gidon Kremer. Au piano, Elena Kremer. Thank you. Nous avons demandé à Arvo Pärt s'il voyait beaucoup de différences entre le public d'Estonie et celui des pays de l'Europe de l'Ouest. Nein, nicht, das ist dasselbe. Ich merke keinen großen Unterschied. Vielleicht in Anfang ist Publikum in Westen ein bisschen so nicht so bereit zu hören. Sie sind von Reklame abhängig und glauben nicht das, was sie hören und glauben nicht sich selbst. Aber wenn man schon ein bisschen Name bekannter geworden war, dann geht es, es läuft es so wie bei meiner Heimat. Non, je n'ai pas remarqué de grande différence. Peut-être au début. Peut-être qu'à l'Ouest, les gens ne sont pas prêts à écouter parce qu'ils sont tributaires de la publicité. Mais une fois qu'on est un peu connu, cela devient comme dans ma patrie. Aber das bedeutet, dass nicht alle Leute so denken. Es gibt immer Leute, die haben Mut, sich selbst und anderen auch zu sagen, was sie meinen über eine oder andere Sache. Cela ne veut pas dire que tout le monde a la même opinion. Il y a toujours des gens qui ont le courage de se dire à eux-mêmes et de dire aux autres ce qu'ils pensent. Ich meine, hier ist genauso gut negative Meinung, vielleicht auch sogar besser. Das gefällt mir immer besser, wenn es nicht gefällt. Je pense qu'une opinion négative est aussi utile qu'une louange. Parfois, cela me plaît encore plus. Das hilft. Das macht wach. Man muss überlegen, wo liegt dieser Grund. Ça aide, ça vous réveille. Ça vous fait réfléchir en portant votre réflexion là où elle est essentielle. Parmi les admirateurs d'Arvo Pärt, le pianiste de jazz Keith Jarrett, que l'on entend aux côtés de Gidon Kremer dans l'enregistrement d'une version de Fratres pour piano et violon. Un autre admirateur d'Arvo Pärt, le compositeur anglais Gavin Bryars, qui, au concert du Théâtre de la Ville à Paris, a joué du piano dans « Si bas qu'élevait des abeilles », de la grosse caisse et des claves dans « Fratres pour instruments à cordes », des cloches tubulaires dans « Cantus » et du piano préparé dans « Tabula rasa ». Gavin Bryars. La première fois que j'ai écouté la musique d'Arvo, j'étais absolument bouleversé. C'est une musique incroyable. Les premières notes de Fratres, jouées par Guidon Crème, sont incroyables. C'est une musique très, absolument étonnante pour moi, parce que c'est si pur, c'est presque vierge la musique, comme musique. Mais c'est une musique très, très profonde aussi. La musique d'Arvo Pärt, une musique qui n'est pas sans relation avec celle d'Erik Satie. Oui, surtout la musique de Satie, de son période Rose-Croix, surtout la musique religieuse de Satie, ou aussi peut-être Socrate. Il y a un emploi particulier du piano préparé dans Tabula Rasa. Il y a très peu de difficultés techniques dans la pièce. Mais la difficulté, c'est celle de la balance entre tous les éléments dans la pièce. Parce qu'on a l'harmonie, les cordes et le piano. Et c'est difficile de les balancer au niveau de dynamique. Et quelquefois dans la répétition, Arvo vient pour dire que si les marques mezzo piano dans la partition, il faut être mezzo forte dans cette salle ou dans cet ensemble. Donc ça change tout le temps. Il faut être très conscient au niveau des dynamiques surtout. Alexander Balanescu, un des membres du Quatuor Arditi, violoniste soliste dans Tabula Rasa. Je pense qu'on doit trouver l'attitude. On doit être complètement, on peut dire, à paix à soi-même. On doit être complètement unifié avec la musique. C'est ça que c'est difficile. On a dans cette pièce avec le piano préparé, on a ces duos et je trouve ça très étrange parce que les deux violons sont très purs et le son du piano est comme de notre monde. Et c'est très joli cet effet parce que le piano préparé apporte une autre dimension. Arvo Pärt n'a pas donné au titre Tabula Rasa la signification de rupture avant-gardiste qu'on lui prêterait a priori. Das sind wie weite Bäume, die sehr weit sind, dass wir können nicht unterscheiden, welches Baum ist näher und welcher ist weiter. Aber natürlich sind die, wachsen nicht in einer Reihe. Und so ist auch mit dieser Tabula Rasa. Es hat viele Seiten. Manchmal sind einige für mich näher, einige weiter. Es hängt davon ab, wo ich bin. Ce sont des arbres qui sont très loin. On ne peut pas distinguer lequel est le plus loin, lequel est le moins loin. Et pourtant, ils ne sont pas plantés sur la même rangée. C'est comme Tabula Rasa. Il y a plusieurs aspects, et avec la distance, on ne peut savoir lequel est le plus éloigné. Ich möchte das nicht konkretisieren, aber alle wissen, was bedeutet Tabula Rasa, und es bietet genug, vielleicht zu denken und fühlen, Möglichkeiten. Je ne veux pas concrétiser cela. Tout le monde sait ce que veut dire tabula rasa. Cela donne suffisamment à penser et à sentir. Ja, und zum erst muss man diese Musik bis zum Ende hören und dann ist ja, wenn oder sagen wir so, es gibt einen Unterschied, wenn ich lese Tabula Rasa und habe diese Musik nicht gehört und jetzt höre ich da dieses Werk bis zum Ende und dann es ist eine andere Bedeutung, die Titel bekommen. Il faut d'abord écouter cette musique en son entier. Ou disons, il y a une différence entre entendre le titre avant d'avoir écouté la musique et après l'avoir écouté. Après, une autre signification apparaît. Théâtre de la Ville, 17 novembre 1986, Music Projects de Londres, direction Richard Bernas. Arvo Pärt, Sibach élevait des abeilles. Thank you. Arvo Pärt, Si Bach élevait des abeilles, composé en 1976. À l'époque où ce concert consacré aux œuvres d'Arvo Pärt était donné au Théâtre de la Ville, le compositeur américain Steve Reich se trouvait lui-même en France, où il présentait sa Desert Music au Festival de Metz et au Théâtre Nanterre-Amandier dans le cadre du Festival d'automne. Oui, je crois que c'est une musique très importante, sans doute. J'ai rencontré Arvo Pärt dans mon appartement dans New York. Il fait une visite à moi quand il est aux États-Unis l'année dernière. Et il a dit à moi qu'il écoute à mon musique en Russie. Et je suis très heureuse à écouter ça parce que il y a peut-être beaucoup de musiciens qui connaissent mon musique et peut-être fait peut-être imitation. Mais en le cas d'Arvo Pärt, c'est sans doute il n'y a pas d'imitation. Peut-être il apprenait en certains mois des mois et je suis très heureuse à faire une donation, une contribution dans ce grand musicien. Mais j'écoute à la musique de Pärt et je suis sûr que c'est une voix originale, c'est une voix très forte et c'est la seule voix pour moi qui existe en toute l'Europe qui écrit dans cet style, il n'y a pas de question d'imitation américaine. Il est vraiment allemand, il est vraiment russe, il est vraiment catholique orthodoxe. Aussi, il écrit beaucoup de musique pour l'Église. Et maintenant, cette grande exception, je crois qu'il n'y a rien de musique pour l'Église maintenant. Un sentiment de vraiment. Et Pärt, cette exception, et je crois qu'il est un des compositeurs, pour moi, les plus récents qui vivent maintenant. On peut trouver des rapports entre les structures musicales de l'Européen de l'Est, Arvo Pärt, et celle du New Yorkais qui a fait ses études en Californie, Steve Reich. Ah oui. Si vous écoutez à la pièce pour Benjamin Britten, par exemple, vous écoutez à la canonique, escale d'A mineur, et toutes les choses dans la partition, c'est possible pour un hippie en Californie, mais dans les mains de Pärt, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup de la technique, c'est des techniques de cette pièce et des un ou deux autres, c'est très similaire de moi-même, mais l'exécution et le sentiment, la personnalité, c'est absolument Pärt. Gavin Bryers. J'aime toutes les pièces d'Arvo, sans qualification. Peut-être Table Rase est un peu plus riche parce qu'il y a deux mouvements, donc il y a deux différents aspects dans cette pièce. Mais non, j'aime toutes les œuvres d'Arvo, sans réservation. Dans Frasso, je joue claves et grosses caisses. Et le problème pour ça, c'est qu'on tient dans la main la baguette pour grosses caisses. Et en même temps, il faut avoir deux claves. Donc il faut en effet trois mains. Ça, c'est le problème. Je n'ai que deux. C'est moi qui commence la pièce et c'est moi qui le finis aussi. Théâtre de la Ville, version pour orchestre à cordes de Fratres d'Arvo Pärt par le Music Projects de Londres sous la direction de Richard Bernas. Arvo Pärt, Fratresse pour orchestre à cordes, par le Music Project de Londres, direction Richard Bernas. À la fois déchirante et comme illuminée de l'intérieur par une jubilation profonde, cette musique associe dans une sereine plénitude l'expression de sentiments que l'on aurait pu croire contradictoires. Ich weiß das nicht. Wenn Sie manchmal sehr unglücklich sind, dann können Sie weinen und dann werden Sie wieder glücklich. Die Tränen helfen und waschen. Je ne sais pas. Quelquefois, quand on est très malheureux, on pleure et on redevient heureux. Les larmes sont une aide, elles lavent. De longs mouvements inexorables traversés de frémissements, un fil de soie tendu à la limite extrême de la rupture, la musique d'Arvo Pärt tire sa force de sa fragilité même. Ich fühle mich sehr oft unsicher und ich bin auf der Suche etwas Stabileres. Und auf diesem Weg steht auch meine Musik. Und wenn Zuhörer mit mir folgt und Musik hört, dann macht er diesen Spaziergang mit mir auch und fühlt dasselbe vielleicht. Je me sens très souvent pas suffisamment sûr de moi. Et je cherche quelque chose de plus stable. Ma musique est sur ce chemin-là. L'auditeur me suit. En me suivant, il fera avec moi ce trajet incertain. Il ressentira peut-être ce que je ressens. Au Théâtre de la Ville, le 17 novembre 1986, création mondiale de la toute dernière œuvre d'Arvo Pärt, Festina Lente. Une œuvre brève, avec de belles entrées de cordes dans les graves, mais qui gagnera sans doute progressivement avec les répétitions ultérieures. Thank you. Création mondiale de Festina Lente d'Arvo Pärt par le Music Project de Londres sous la direction de Richard Bernas. Dans la prochaine œuvre d'Arvo Pärt, interprétée au Théâtre de la Ville, Cantus, dédiée à la mémoire de Benjamin Britten. Gavin Bryers assure la partie de cloche tubulaire. Cantus, oui. Le problème d'un cantus, c'est encore une fois au niveau des dynamiques, parce qu'au début, il faut jouer triple piano. Et au centre, on joue triple forte. Et enfin, on joue. Donc, il y a une espèce d'arc de dynamique. Aussi, le problème de compter, parce qu'il y a beaucoup de mesures dans lesquelles on ne fait rien. Pourquoi, se demande Arvo Pärt, la date de la mort de Benjamin Britten, le 4 décembre 1976, m'a remué à ce point. Juste avant sa mort, je commençais à apprécier l'inhabituelle pureté de sa musique. J'ai l'impression la même sorte de pureté que celle des ballades de Guillaume de Machaut. Cantus, un chant funèbre, la résonance d'un accord ultime, le seuil d'une expérience mystique. Avec Cantus, à la mémoire de Benjamin Britten, se termine la diffusion de la première partie du concert consacré à la musique du compositeur d'origine estonienne, Arvo Pärt. Concert donné à Paris, au Théâtre de la Ville, le 17 novembre 1986, par les 28 instrumentistes du Music Projects de Londres, sous la direction de Richard Bernas. Prise de son, Claude Thomas et Bernard Legac. Maria Rankoff, Jean-Louis Boissonnade, François Viette, Daniel Coe. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 février 1987. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.